Pierre et Paul sont vraiment différents. C'est vrai. Pierre sourit tout le temps, Paul ne sourit jamais. Pierre a l'air heureux, Paul n'est jamais content. Paul habite encore chez ses parents, je crois. Oui, alors que Pierre ne vit plus chez eux depuis belle lurette. Paul est encore étudiant. Il n'est pas encore indépendant parce qu'il ne travaille pas.